Bonjour, nous sommes de retour pour une 6e année d'Animé nos mélodies, et nous fêtons plus le 50e numéro de votre podcast musical. Tout a commencé en août 2014, et il semble bien que nous allons encore aller un peu plus loin ensemble, je l'espère. Pour ce 50e numéro, nous retournons au lycée pour y suivre les affres amoureuses entre elle et lui avec la série Karashi Kaneuchio no Shishio, alias Karekano, puis nous irons faire un voyage au Japon, mais pas que, puisque nous parlerons de réincarnation, de divinité, avec Nashka. Vous venez d'écouter Tenshi no Yubi Kiri, la promesse de l'ange, chantée par Mai Fukuda. Yukino Miyazawa est vraiment, vraiment vaniteuse et adore entendre les gens la louer. Elle a toujours été la meilleure dans tout et essaie toujours d'être parfaite. Mais quand Yukino va au lycée, elle est finalement surclassée par Suichiro Arima, qui obtient de meilleurs résultats aux examens d'entrée et attire instantanément l'attention de la classe. Et c'est par accident qu'Arima découvre que Yukino fait juste semblant, en la découvrant chez elle en survêt et avec des lunettes de bigleuse. C'est à ce moment précis qu'une série d'événements vont conduire Yukino et Arima à tomber amoureux. Ils doivent alors faire face à de nombreux obstacles dans leur relation. Kalishi Kanoshio no Shishio est une série d'animation de 26 épisodes diffusée entre octobre 1998 et mars 1994. Cette série est une ode à l'amour adolescente, aux premiers émois que l'on a tous connus avec plus ou moins de bonheur au collège ou au lycée. Et là où le manga de la mangaka Masami Suda dans le magazine Lala est plus classique dans son traitement, la Gainax, qui produit cet animé avec le studio JetSafe, le fera sous un autre angle, plus fou, plus Gainax, cherchant à reproduire sur une histoire plutôt shoujo la patte artistique de Evangelion des mêmes réalisateurs Hideaki Anno et Ryoki Sato, qui ont tous deux travaillé sur la série et sur The End of Evangelion, le triptyque résumé et fin de la série télé de 1992, et pour Sato a marqué les esprits avec sa série FLCL Fully Coolie. C'est-à-dire qu'avec des travelling serrés, des images fixes qui parlent à la place de l'animation, des cases de manga qui apparaissent, etc., etc., c'est leur style. La série aura malheureusement beaucoup de détracteurs, lui reprochant ce ton trop décalé et des épisodes bouche-trou, ou simplement trop éloigné du manga, ce qui poussera Hideaki Anno à se mettre en retrait tout en travaillant sur les scripts des épisodes. Les musiques ont toutes été créées par Shiro Sagizu, qui est un habitué de la Gainax et de Hideaki Anno sur la plupart de ses productions. On atteint ici une qualité pour moi supérieure à Evangelion, offrant une musique qui rappelle les productions 70s américaines, un peu comme Sailor Moon sur sa première saison, un mélange pop-rock et jazz-fusion qui rend le tout très plaisant à l'écoute et offre de multiples sensations entre passions et larmes. A noter qu'il existe un coffret que je n'ai pas et contenant les 3 soundtracks, ainsi qu'un 4e contenant des musiques non utilisées durant la série. On écoute un florilage des 3 soundtracks et on terminera par son premier ending, une reprise d'un titre des années 80, Yumi no Nakae, Dans les rêves, chanté par Atsuko Enomoto et Chihiro Suzuki, qui sont les seiyuu de Yukino et Soichiro, les protagonistes de cette histoire. Petite anecdote, sur la vidéo, on y voit presque à chaque épisode des scènes différentes. Ce sont d'abord des paysages réels, puis parfois des séquences de l'épisode, et enfin des scènes étranges et diverses aussi. Thank you. Thank you. ものは何ですか？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？よくある話で踊りましょう。夢の中へ行ってみたいと思いませんか？うふふうふふうふふさあ。ものは何ですか？まだまだ探す気ですか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？ Vous venez d'écouter l'opening de Nashka, Aino Fuga, la fugue d'amour tirée de l'opéra Carmina Burana de Karloff. Kikyu Sencho Nashka est une série de 12 épisodes produite par la Sunrise et réalisée par Tokita Hiroko et diffusée entre le 6 avril 1998 et le 29 juin 1998 sur TV Tokyo. En France, Nashka a été diffusée à partir de septembre 2000 sur la chaîne Game One. Miura Kiyoji est un étudiant qui a dévoué sa vie au kendo. Il découvre que son shishio, son maître, Tate Masanari, est un guerrier inca réincarné nommé Yaworu et qui souhaite détruire le monde pour le purifier. C'est son rêve depuis des temps immémoriaux. Kiyoji lui-même est le guerrier Bilka qui a déjoué les plans de Yaworu dans ses vies antérieures. Et par un malheureux hasard, Kiritake Yuka, une amie d'enfance et la fiancée de Tate, se révèle être la prêtresse Akuria, elle-même promise en mariage au cruel Yaworu alors qu'elle avait des sentiments pour Bilka dans leur ancienne réincarnation. Yaworu rassemble d'autres esprits éveillés pour libérer les pouvoirs de la nature. Maintenant, Kiyoji doit lutter et décider s'il n'est qu'un vaisseau pour l'âme réincarnée ou s'il est vraiment Miura Kiyoji, et qui des deux sera plus en mesure de sauver le monde et l'avenir tel qu'il le connaît. La musique a été composée par Tsuneyoshi Saito. Il a travaillé durant des années comme arrangeur sur Final Fantasy VI, Grande Finale par exemple, mais aussi sur le Symphonic of Evangelion, ou Evangelion, ça dépend comment vous avez envie de le prononcer depuis le début de cette émission. Donc c'est le fameux concert live autour de la série animée Evangelion ou Evangelion. Il est aussi le compositeur de Tenshin Muyo in Love 2, le deuxième film tiré de la franchise Tenshin Muyo de Pioneer, de Kazeno Yojimbo, une belle série de 2002 adaptant le film de Kurosawa du même nom, de la franchise Fafner in the Azure, Elemental Gerald, Tideline Blue, Denukol, puis encore plus tard compositeur sur des séries live comme Masked Rider Kiva. Il est aussi le compositeur et arrangeur de la chanson Let the Happiness Be Eternal, la belle chanson que l'on entend dans le premier film du professeur Layton et l'Éternel Diva en 2009. On écoute la musique de Nashka et on se retrouve pour la fin de l'émission. Thank you.

戦士ヤワル、 戦士ヤワル、 そしてお前の魂そのもの、 私の魂そのもの、 私にはわかる。お前は力を欲している。目覚めよ。力が欲しいと願うのなら、 どういうことだ。力とは何だ。 魂を呼び覚ませ。記憶の中に眠っているはずだ。あの偉大なイリアテスでの神々しき光が。それは神の力。お前には神の導きによってその力を呼び覚ます使命が与えられている。 神の使命。 目覚めよ。今こそ大いなる覚醒の時。 師匠、師匠。 お前は神の照らしたもうた道だけを進むのだ。 神の道を。それこそが お前の抱き続けた夢だったはず。迷うな。行くのだ。 師匠。 Thank you. Animer nos mélodies, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi pour ce 50e numéro. Oui, je le répète, 50e numéro. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux titres. En attendant, je remercie mes partenaires, Franck Anime Live, Radio Anime.net, mes copains et amis, Yann Cousard, Yedoka, s'ils nous écoutent. Et puis, on se retrouve donc très très bientôt et on se quitte avec une chanson assez connue, mais elle fait toujours plaisir à entendre, c'est Heart of Madness par le groupe Kodomo Band, une chanson que l'on entend dans le film Okuto no Ken, Ken le survivant. On se retrouve le mois prochain et surtout n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est vraiment pas que pour les Japonais. My end.